Après ces semblants de grand soi, fallait-il s'attendre à des lendemains qui chantent? Peut-être. Pourtant, pour moi, le réveil débute avec la gueule de bois. Car ça me dépite de voir ces mêmes langues de pute, ces bonimenteurs, ces parlementaires récupérer l'affaire. Ça mérite les esgourdis tout d'entendre ces mêmes sirènes inaudibles du même pompier pyromane aussi crédible qu'une nonne nymphomane. Le tsar Starsky, Superman du petit écran qui débarque chez vous en direct chaque soir en plein milieu du plat de pâtes pour vous servir la même soupe à l'oignon, en majorité impopulaire, infecte. La bouche pleine de sueur a trop mâché sa langue de bois et la bave aux commissures des lèvres, tapotant le dos de ses braves élèves aux abois, ses petits toutous. Ces petits soldats de l'information qui ne relatent qu'une plate résistance. C'est tournée de bromure et de somnifère pour tout le monde. Mais attention, mesdames, messieurs, en attendant l'amnésie, en attendant que fasse effet l'anesthésie, restez tous bien calés dans vos charentaises cloutées. Oui, restez-y. Et le voilà, il remet ça, ce troupion de l'ordre moral, sitôt passé général. Il nous dégaine au galop son arme létale d'un petit écrin de velours. Pour mieux nous matraquer encore et toujours les mêmes balivernes. Il s'en vient crucifier la vérité en direct live. Et en moins de 2 minutes, s'il vous plaît, mesdames, messieurs, ne zappez pas. Après, il y a un documentaire sur l'homme des casernes. La violence. La violence n'est pas toujours celle qu'on croit, celle qui semble mise en évidence. Quand les mitraillettes ressemblent à des caméras, le peloton d'exécution se situe dans la rue, tout juste en bas de chez toi.